se mettent à danser. Le son est lourd, merci au DJ. Mais si je veux en verre, je dois me dépêcher. Car mes potes sont au comptoir, ils ne se décrochent pas du baret. J'ai du mal à y croire, mais il n'y a plus rien à boire. Il faut commander une autre bouteille. Mais il faut changer, ne pas prendre pareil. Après le whisky, la vodka, on essaye. Et dès que la rire, jamais merveille. J'ai bien trop bu, tout est confus. Je n'en peux plus, je n'aurais pas dû. Tous ces mélanges me sont étranges. Faut que je vidange, me serre mes phalanges. La soirée continue et je ne suis pas déçu. Quand on est revenu, ce n'était pas prévu. Les filles sont magnifiques, la vue est féerique. De l'électromusique pour une ambiance électrique. Mais après quelques verres, la bouteille est finie. Et on remet le couvert, il n'est que 3h30. Il faut commander une autre bouteille. Mais il faut changer, ne pas prendre pareil. Après la vodka, le rhum on essaie. Et dès que la rire, jamais merveille. Je n'aurais pas dû. Tous ces mélanges me sont étranges. Faut que je vidange, me serre mes phalanges. Je ne sens pas très bien, je ne comprends plus rien. J'ai besoin de soutien qui me tiendra la main. Il me faut de l'aide, je suis vraiment raide. Allongé sur le sol, j'ai l'air dans mon col. Un peu plus d'effort pour me lever. Même si ma tête ne cesse de tourner, je dois me contrôler, ne pas tituber. Je me concentre pour ne pas dériver. C'est la santé que je dois trouver. Mais je tourne en rond, je ne sais pas où je vais. Ma seule envie est de pouvoir rentrer. Même mes potes, on peut faire rester. J'ai bien